under the police. On a entendu un grand boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Bienvenue à tous et à toutes dans le magazine libertaire sur Jet FM. Ici, on cause de l'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans d'autres médias. Nous sommes là tous les mercredis de 12h05 à 13h30 en direct sur Jet FM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. Vous pouvez nous contacter en direct dans le studio au 02 28 25 23 88 et nous envoyer un message si vous voulez à maglib@riseup.net. Et vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur maglib.noblogs.org. Alors maglib, c'est M-A-G-L-I-B. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 mars. Nous allons parler, nous allons diffuser un appel à rejoindre la manifestation de samedi, donc manifestation contre les violences policières à Paris. Nous allons parler de la révolte Mao Mao, du coronavirus et de ses impacts en prison. Et nous allons commencer par diffuser le deuxième son du projet Adama. Ouais, du coup, le projet Adama, c'est un projet de podcast documentaire. C'est un podcast mensuel. Et chaque mois, la parole dans ce podcast est donnée aux personnes noires rassemblées autour du combat pour Adama Traoré. Ces personnes, elles interrogent leur rapport à ce combat, elles questionnent la justice, les institutions comme la police, mais aussi l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore la place des Blancs. Ce deuxième épisode, il est consacré à la parole de Miguel Chema, qui est un journaliste engagé au Bondi Blog, et qui est étudiant en médecine et qui est aussi engagé dans les luttes pour les droits des personnes LGBTQI+. Donc on vous laisse avec ce podcast, ça dure 20 minutes et on se retrouve juste après. Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous allez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public, ou encore notre place à nous, qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Miguel Chema. Moi, je m'appelle Miguel Chema, j'ai 20 ans, je suis étudiant en médecine, j'écris aussi pour le Bondi Blog, par moments sur France Culture dans Par les temps qui courent. Et voilà, j'ai plein d'activités comme ça, je me vis pas comme militant, en fait, mais je pense que je dis des choses que j'ai besoin de dire et qui m'affectent énormément. Et en même temps, mes études et la profession que j'espère exercer, qui est médecin, sont des professions extrêmement politiques, en fait, de qui est soigné, comment on est soigné, etc. Donc je me dirais plus comme médecin ou comme quelqu'un de gauche, en fait, un homme de gauche. Je suis bi aussi, et noir, parce que ça ne se verra pas, je le dis. Avec Adama Traoré, je pense pas que j'ai des liens personnels, et je pense pas que nos vies, à part le fait qu'on soit tous les deux noirs et des hommes, soient très similaires, parce qu'on vit pas dans les mêmes villes, on vit pas dans les mêmes quartiers, on n'a pas la même expérience du monde. Même étant bi, ma queerness fait que j'ai pas du tout la même expérience du monde et ayant vécu et vivant toujours dans un milieu bourgeois, j'ai pas le même rapport à la police, etc. Mais il est noir, et moi aussi, et je pense que ça c'est déjà un lien assez fort, en fait, entre nous. Et que même si on n'a pas le même rapport à la police, on n'a même pas le même rapport aux institutions, étant donné qu'on a des disparités, le fait qu'il soit noir parce qu'il soit noir est déjà assez fort, en fait, pour me toucher. Quand j'écris des articles au Bondi Blog en général, et particulièrement sur le dernier que j'ai écrit, c'est pas le dernier, mais en tout cas celui que j'ai écrit sur la marche Adama, je veux m'inscrire en fait en opposition à ce qui peut se faire en général, comme un simple compte-rendu, comme des personnes qui se vivent comme neutres, qui font des états des lieux, et de pas me dire neutre parce que personne ne l'est, et que ça n'existe pas, et de dire la vérité politique de ce qui est en train de se jouer, en fait. De dire que quand on a le comité Adama qui est là, qui manifeste, après 3 ans de lutte pour la mort d'Adama Traoré, ce qui se passe là est super important, et voici ce qui se joue réellement, en fait. La marche Adama est super forte, étant donné que déjà, elle se situe là où tout se passe, Beaumont-sur-Oise, en fait. C'est qu'elle dit très bien aussi qu'elle casse en fait aussi les manières dont on a pu manifester. C'était à Paris, Bastille, République. Et le comité Adama a dit non, c'est à Beaumont, parce que c'est là où on a tué Adama. Parce que c'est dans nos quartiers que se jouent les logiques qui ont fait que Adama est mort. Parce que l'espace où Adama était interdit d'être au monde, on le reprend. On dit que c'est pas normal. Et on s'approprie l'espace, en fait. Et surtout, une scène qui était super belle et super forte, Assa Traoré, la marche qui s'arrête. Assa Traoré qui prend le micro et qui dit « C'est là où on a tué mon petit frère, à côté de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise, en fait. » De dire qu'on est juste à côté de là où Adama a été tué. Et on prend l'espace. Et on dit, et on critique, on espère qu'ils entendent. Je trouve que c'était super puissant et très émouvant. Dans l'article que j'ai fait sur la troisième marche Adama, j'ai parlé des slogans de justice pour Adama, de anti-capitaliste. Je l'ai pas totalement conscientisé en l'écrivant, mais je me dis que c'est super important, en fait. Dire justice pour Adama, c'est comme a pu l'écrire Assa Traoré ou Geoffroy de la Garnerie dans Combat Adama, c'est énormément de choses. C'est pas juste punir les policiers, et même on peut se poser la question si punir les policiers, c'est la justice ou pas pour Adama Traoré, mais quelles sont les conditions qui ont fait qu'Adama Traoré est arrivé dans cette situation? Qu'est-ce que c'est au niveau des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques raciales, en tout cas racistes, de la ségrégation qui fait que Adama Traoré est mort. Et dire justice pour Adama, c'est faire sauter la société. Donc je pense que c'est un catalyseur de beaucoup de choses qui permet de tout dire. Quand on demande justice pour Adama, c'est beaucoup de choses. Et anticapitaliste aussi, c'est important de le dire dans cet article-là, parce que c'était aussi le moment où les Gilets jaunes venaient à la marche Adama, la troisième marche Adama, et de dire, et ce qu'a très bien dit Assa Traoré et le comité Adama, qu'ils sont les Gilets jaunes depuis 20 ans. Que les logiques sociales, les logiques économiques sont aussi des enjeux pour les quartiers populaires, et en fait d'autant plus parce que c'est des quartiers populaires, parce que c'est des quartiers ostratisés, et qu'il y a une politique néocoloniale et raciste qui s'abat sur ces quartiers-là. Donc c'était ça aussi qui était important, de dire ce qui était en train de se jouer dans cette manifestation. Quand j'ai commencé à écrire au Bondi Blog en seconde, ils étaient venus dans mon lycée, je faisais classe média à chaque deux cours, et on a fait une sortie en conférence de rédaction au Bondi Blog, et j'ai beaucoup aimé. Donc moi, j'ai continué à y aller. Le Bondi Blog m'a amené à questionner le monde dans lequel je vivais et aussi m'a donné une sorte de légitimité à moi-même, en fait, de me dire « tu n'es pas fou », parce que j'étais quand même noir, ce qui était assez compliqué dans le milieu dont je vivais. Et je vois autour de moi des Noirs et des Arabes qui écrivent sur le monde social et qui en parlent. Donc j'ai eu un cheminement assez long pour questionner le monde dans lequel je vivais et sortir de mon conservatisme passé. Et j'ai une prof de philo parfaite, excellente, qui m'a aussi amené vers la sociologie. J'ai baigné dedans, j'ai beaucoup lu de ça, et je me vis moins comme un journaliste qu'un sociologue des médias, en fait. J'écris beaucoup sur le discours médiatique et sur la manière dont on parle des questions LGBT, des questions raciales, et ça m'intéresse beaucoup de questionner ce champ qui est pour moi extrêmement conservateur, qui ne fait que répliquer des logiques qui existent depuis des années, qui dit la même chose, qui a les mêmes débats, et on peut très bien le voir là, dans la manière dont il parle des femmes voilées. Et au lieu de dire « ah ben non, ce que vous dites c'est raciste », ou juste de dire « c'est faux », et d'être dans un truc de confrontation, je suis au-dessus. Et c'est là où la théorie m'aide, en fait, de dire « bah regarde ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe dans ce champ, tous les discours qui sont en train de se dire, ils ont des racines racistes, sexistes, et questionner, en fait, ce qui est en train de se jouer. » Je suis toujours divisé entre les deux, entre « est-ce qu'on sait parce qu'on vit ?» ou « est-ce qu'on sait parce qu'on a lu ?» ou « parce qu'on a, on a allé chercher des théories, etc. » J'ai envie de dire les deux. Les deux, parce que moi, quand j'étais Miguel, jeune, certes conservateur, mais qui vivait le racisme, je savais que ce que j'étais en train de vivre, c'était pas normal. Sauf que le monde autour de moi me dit « mais non, Miguel, t'es susceptible, mais non, Miguel, t'es ci, mais non, Miguel, t'es ça, mais non, Miguel, rien à voir », qui questionnait, en fait, et qui niait mon existence. Ou en tout cas, l'existence de ce que j'étais en train de vivre. Mais la théorie, en fait, ne m'a donné que la légitimité de parler, en fait, sur ce que j'étais en train de dire. Certes, elle a éclairci des champs qui étaient sombres, elle a cassé des discours de dénégation qui étaient en moi, que j'avais intériorisé. Donc, elle m'a juste donné la permission de parler. Et en même temps, je me dis que la manière de parler de racisme du Miguel plus petit, elle est totalement problématique, en fait. Et dire vrai, c'est pas forcément vivre les choses, c'est dire vrai sociologiquement. Et donc, je suis toujours vraiment cassé entre les deux. J'ai envie de dire aussi, il n'y a pas besoin d'avoir Lee Bourdieu, Frantz Fanon ou James Baldwin pour pouvoir parler de racisme en France, en fait. Assa Traoré, elle n'est pas passée par la théorie. Assa Traoré, elle a eu son frère qui est mort. Assa Traoré, elle a eu son frère qui est mort, ses frères qui ont été envoyés en prison, un acharnement de la police, de la justice contre elle et sa famille, plein de mécanismes racistes qu'elle a dû vivre. Et voilà, elle n'a pas besoin de lire Baldwin pour comprendre qu'il y a un problème de racisme en France, en fait. Donc c'est très très complexe comme question. Je me vis comme citoyen, comme membre de ce pays, et en même temps, on me remet toujours en cause dans l'appartenance, que toutes les questions qui m'intéressent, moi, qui m'affectent ma vie, sont décrites comme des questions communautaires. Quand on parle du rapport à la police, du contrôle, pas du contrôle, du profilage racial, il faut dire les choses, du profilage racial de la police envers les personnes racisées, l'accès à l'emploi, etc., pour les personnes racisées, construites comme des questions communautaires. Donc je suis exclu de fait de la communauté nationale, etc., etc. Donc je me vis comme ça et je vis et je parle de tout ça parce qu'il faut en parler. Et en même temps, c'est aussi une manière de moi de dire « Ok, vous pensez que j'ai pas le droit de parler de ces choses-là, de parler du discours politique, de parler de la chose politique et du monde social, bah regardez-moi faire, en fait. » C'est une position arrogante que je prends. « Ah ok, je suis pas citoyen. Bah on va voir si je suis pas citoyen. » Et cette arrogance, elle est possible précisément parce que ma mère est médecin, mon père travaille à l'ambassade du Rwanda, je suis issu d'un milieu bourgeois, où il y a un capital culturel, où j'ai accès à la culture dite cultivée. Et c'est précisément parce que je parle bien pour un noir, parce que je fais bien, parce que je fais propre sur moi, que j'ai accès à ça, que cette arrogance, elle est permise. Si j'étais un jeune de banlieue, pauvre, pas accès à la culture cultivée, et qui n'a pas accès au même discours, qui ne parle pas de la même manière, là, l'arrogance, ça serait encore plus questionnée. Mais c'est parce que c'est ce qu'on me disait, en fait, dans mon enfance. C'est « Toi, Miguel, t'es un bounty, en fait. T'es blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. T'es pas un vrai noir, t'es pas une racaille. Donc, quelque part, tu peux aussi accéder à ça. » C'est précisément parce que j'ai d'autres codes et je suis aussi un mec. C'est ça aussi, je pense que les femmes noires se font harceler beaucoup plus, ont beaucoup plus de violence, etc. C'est parce que je suis un homme aussi. Il y a plein de choses qui se jouent. Moi, j'ai compris une chose, c'est que cette arrogance, elle existait comme un moyen de défense, et aussi parce que quelque part, je voulais montrer que je pouvais. et d'en montrer que je pouvais, c'était montrer aux blancs que je pouvais. Et j'ai compris une chose, que déjà montrer que je pouvais aux blancs, c'était construire les blancs comme porteurs d'une reconnaissance envers moi. Reconnaissance de mon humanité, de mon intelligence, de ma place dans ce monde, etc., etc. Et à partir du moment où on s'en fout de ce qu'ils pensent, ça va déjà beaucoup mieux. À partir du moment où on s'en fout de ce que pensent les blancs, ce qui est très compliqué, en tout cas, il faut qu'on commence à s'en foutre du regard blanc. Pas tant les blancs couleurs de peau, mais vraiment le regard blanc, la manière d'être blanche, d'être au monde, la blanchité. Dans la prise de parole d'Assa, elle s'en fout totalement. Ils sont totalement autonomes. Le comité Adama, c'est d'abord dans les quartiers populaires. Le comité Adama, il ne cherche pas d'approbation. Il fait ce qu'il fait. Il produit les discours qu'il produit localement. Et c'est même quelque chose qu'il revendique. Même la manière dont ils font déplacer les journalistes. Ils font pas de la manifestation à Paris en se disant oh, « on espère que les journalistes vont venir ». Si on le fait à Beaumont, vous venez ou vous venez pas. Nous, on fait la marche. Il y a une autonomie dans le comité Adama et chez Assa Traoré. Et ils s'imposent. C'est ça aussi le Bondy Blog. On s'en fout de ce que disent la bourgeoisie blanche de nous. On va vous raconter les quartiers, on va vous raconter les choses qu'on va vous raconter. On est un média à part entière. Mais avoir accès à l'initiative, se dire qu'on peut, c'est des choses qui relèvent du privilège, en fait. Se dire, je peux prendre la parole. Quand on vit dans un monde où tu dis, ferme ta gueule, tu n'as pas le droit à l'espace public, tu n'as pas le droit au discours public, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, au vu de tout ce que je fais, de ce que je peux écrire, de la radio, etc., pourquoi je ne suis pas journaliste, militant ou dans la politique. Mais je considère que être médecin, c'est tout autant politique que faire de la politique. C'est que qui a accès aux soins, qui vit ou qui meurt, c'est une chose super politique. Quand on voit que l'accès aux soins est différent selon l'outre-mer ou selon qu'on est dans la métropole, quand on voit que, par exemple, SOS Médecins refuse d'aller dans tel ou tel quartier, disant que c'est des quartiers problématiques, qu'on voit la manière dont le système de santé traite les personnes trans, les femmes noires, avec le mythe méditerranéen pour les personnes maghrébines, comme si elles exagéraient leur douleur. Tout ça est super politique. Et comme si, je comprends pas, comme si c'était juste quelque chose de purement technique, alors que les logiques de domination s'exécutent aussi et sont aussi présentes dans le milieu médical. Sur qui est soigné? Et déjà, qui peut soigner? On voit la manière dont les études de santé sont pour les bourgeois, que si on n'a pas d'argent, on fait pas d'études de médecine. Parce qu'on peut pas se payer les prépas. Sachant que maintenant, le redoublement est... J'étais la dernière génération qui pouvait redoubler à Paris. Et toutes ces questions-là sont super importantes. Non pas parce que tout d'un coup, si on a des pauvres et des noirs et des arabes qui peuvent soigner, ça va changer. Parce qu'il y a des logiques du système et le système... Les membres de ce système sont interchangeables, mais c'est aussi une question. Qui soigne? Et tout ça, pour moi, c'est ultra politique. Et j'étais parti à une conférence de Geoffrey de la Guenerie et Assa Traoré à la sortie de leur livre... Combat Adama, et j'avais posé une question à Assa Traoré par rapport au parloir. Ce que j'avais vu de Wave SIS, une mini-série Netflix sur un cas de racisme aux États-Unis où trois jeunes noirs avaient été accusés, quatre jeunes noirs avaient été accusés de violer une femme blanche, ce qui n'était pas le cas. Et les scènes de parloir m'avaient vraiment ému. C'était des scènes très très violentes et tout. Et je me dis, mais Assa Traoré qui a 4 frères en prison, dont un qui est mort d'abord et donc 4 ans en prison, c'est quoi les parloirs pour Assa Traoré? Elle me raconte une scène où un de ses frères n'était pas venu au parloir, et elle trouvait ça bizarre, mais bon, elle s'est dit pourquoi pas. Et bon, ils ont des téléphones en prison, etc. Et le frère d'Assa appelle dans la nuit, il fait « Assa, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ». Et c'est vrai que son frère était malade. Il a fallu qu'elle appelle les pompiers, qu'elle dise « quelqu'un m'a dit », parce qu'elle n'allait pas dire que son frère était malade, quelqu'un m'a dit que mon frère était vraiment malade, allait dans telle cellule, à telle prison, etc., etc. Donc même la manière dont ils sont soignés est une question ultra politique. Qui a accès aux soins? Qui est soigné? Qui vit ou qui meurt? Le racisme, c'est aussi dire qui vit ou qui meurt. Mais dans le système de santé, c'est des logiques qui sont d'autant plus fortes. Donc c'est là où ça s'insinue totalement dans mon travail, dans ma démarche. C'est que moi, en tant qu'homme noir, bi, je crois pas que je pourrais changer le monde médical. Mais je me vis un peu comme un futur ennemi de l'intérieur. Et je vais pas travailler dans les hôpitaux parce que je pense que c'est des lieux extrêmement violents. Et où il y a une misogynie crasse, un hétérosexisme sans limite, il y a un racisme sans nom. Donc je vais vite sortir de cet espace-là, et avoir mon cabinet, etc. Mais avoir un discours ultra critique sur ce milieu. Je trouve que c'est super important et que c'est dans la droite ligne de tout ce que je fais. par rapport au racisme du milieu médical, j'avais mentionné dans l'article sur la troisième marche Adama qu'une des autopsies d'Adama Traoré avait dit qu'il était mort de drépanocytose. En fait, c'est une maladie qui vient d'Afrique subsaharienne, qui est plutôt chez les personnes noires, etc., etc. Et c'était juste une manière raciste, en fait, de voir le monde. C'était une nouvelle manière de dire « Mais non, mais arrêtez tout de suite. Il n'est pas mort à cause de la police, à cause du système dans lequel on vit. Non, non, il est mort à cause de drépanocytose. » Tant de dire « Il est mort d'une maladie noire, en fait. » On voit très bien l'importance du milieu médical dans le combat Adama. C'est qu'il a fallu, je sais même plus exactement le nombre d'autopsies, pour dire qu'Adama était mort asphyxié, sous le poids des gendarmes. Et ça a été prouvé. Le milieu médical suit toujours le milieu policier-judiciaire. C'est même le milieu médical, là, au sens large, même la psychiatrie. Et là, on est large et pas forcément sur la bande Adama. Mais la psychiatrie, elle a un rôle très important, en fait, dans le milieu judiciaire. Et Michel Foucault l'a très bien prouvé dans Les Anormaux, ou encore Geoffroy de la Gannerie dans Juger. C'est qu'il y a une manière où le pouvoir médical va de pair avec le pouvoir judiciaire et ou policier. Ben on voit tout ça dans les autopsies, on voit le racisme dans les autopsies, ou en tout cas dans la manière dont les autopsies pour Adama Traoré ont été faites, mais on voit très bien aussi dans mes études qu'il y a un impensé du racisme. Dans mes cours de santé publique, c'est qu'aucune des données, en tout cas toutes les données, le taux de mortalité infantile, le taux de décès pour telle ou telle maladie, etc. Ils excluaient tous les territoires d'outre-mer. Et c'est aussi une manière de dire que ces territoires sont en dehors du territoire national, ce sont des zones coloniales, même en dehors du cas médical, mais ça se vit comme ça. Et il y a une manière d'impenser le racisme comme une incidence dans la maltraitance, en fait. Il y avait une partie de cours sur les personnes dont la douleur pouvait être mal perçue par les médecins, donc il y avait les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ne pouvaient pas communiquer, etc., etc., et jamais une mention des personnes racisées. C'est un impensé dans le milieu médical. C'est un impensé, tout simplement. En tout cas, ils ont, comme s'il n'y avait qu'une portée pratique et scientifique de la chose. On soigne, mais après, il n'y a pas de racisme, rien. Tout ça, on ne connaît pas. Donc mes études ne sont pas racistes en tant que telles, mais elles ne pensent pas le racisme comme un enjeu. Pour finir, j'ai pas forcément un message pour les Blancs, mais il faudrait leur dire des choses à ces Blancs. Et mes mots comme ça ne sont pas super forts, en tout cas j'ai pas énormément d'inspiration. Mais donc je vais emprunter les mots de James Baldwin. Et donc je vais vous lire la prochaine fois le feu, page 130. Il faut beaucoup de force et beaucoup de ruse pour monter constamment à l'assaut de la puissance et hautaine forteresse de la primauté blanche, comme les Noirs de ce pays le font depuis si longtemps. Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous haït et dont le pied vous écrase la nuque. Et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité, une charité encore plus miraculeuse. Les petits garçons et les petites filles noires qui aujourd'hui font face à ces foules hurlantes proviennent d'une longue lignée de paradoxaux aristocrates, les seuls véritables aristocrates que ce pays ait produit. C'est de la montagne de la suprématie blanche qu'ils ont à coups de pic détaché la pierre de leur personnalité. J'ai le plus grand respect pour cette humble armée d'hommes et de femmes noires qui piétinaient devant d'innombrables portes de service, disant « Oui, monsieur » et « Non, madame », afin d'acquérir un nouveau toit pour l'école, de nouveaux livres, un nouveau laboratoire de chimie, d'autres lits pour le dortoir, d'autres dortoirs. Et tout ça pour dire, et là c'est mes mots, qu'il faut nous écouter, tout simplement. Et je pense que ça, c'est déjà un acte fort, ne pas nous croire trop radical, parce que si on était radical, on aurait déjà mis le feu. Et c'est le titre de Jason Baldwin pour dire que si on continue comme ça, c'est fini. Ce sera le feu. Et que ce qu'on vit est tellement dur à vivre, en fait. À dire. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on vit. Constamment. Tout le temps. Partout. Même seul. Même seul avec soi-même, on entend ces discours-là. Même quand on n'est pas en interaction avec des gens, on nous l'inculque dès le plus jeune âge. À ne pas nous sentir beau. À ne pas nous sentir intelligent. À ne pas nous sentir légitime d'eux. Rien que de se déplacer dans l'espace public, c'est un acte, mais fou. J'ai pas les mots, franchement. Il y a beaucoup de choses que je dirais aux Blancs, mais quand je parlais de l'expérience et de dire ce que c'est impossible. C'est vraiment impossible. Et je pense que la prochaine fois, le feu s'en rapproche énormément, mais impossible. Merci à Miguel de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle,

du coronavirus depuis plus d'un mois, mais qui a attendu de recevoir les communiqués de presse des syndicats de matons pour se demander comment ça se passait dans les tôles. C'est pourtant une question qui aurait pu les intéresser, au moins autant que les cas de coronavirus chez les députés de l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement. Mais bon, ça n'a pas l'air, en tout cas ça n'a pas l'air, ça n'a pas eu l'air de les intéresser avant le début du mois de mars. De mon côté, la question que je me suis posée, c'est comment une institution dont la pratique consiste déjà en fait à confiner les personnes va réagir à cette épidémie. Est-ce qu'elle va enfermer encore plus ? Ben en fait, oui, c'est l'idée. Donc on apprend dans le journal 20 minutes du 10 mars, donc d'hier, qu'une réunion s'est tenue lundi entre la direction de l'administration pénitentiaire et les syndicats de matons, et que cette réunion a rappelé l'existence d'un protocole qui a été diffusé début mars aux directions des tôles. Et parmi les mesures préconisées dans ce protocole, il y a l'isolement. Isoler les nouvelles prisonniers et prisonnières arrivant de zones dites à risque ayant été dans des zones dites à risque ou encore ayant été en contact directement avec des personnes malades. Isoler aussi celles et ceux qui attraperaient la maladie. L'isolement, donc, c'est ça la réponse de l'administration pénitentiaire. Être seul en cellule, seul pendant la promenade, être privé de parloir, avoir le moins de contact possible avec les personnels de la tôle, donc avec les matons matonnes, mais aussi avec les travailleurs sociaux, avec les infirmiers et infirmières, avec les intervenants et intervenantes, ne pas avoir accès au parloir des avocats, par exemple, etc. Dans plusieurs médias, des syndicats de matons disent que c'est possible que ces mesures, enfin que des mesures plus sévères soit prise si l'épidémie commence à toucher les prisons, comme la suppression de tous les parloirs pour tous les prisonniers et toutes les prisonnières, la suppression aussi des activités à l'extérieur de la tôle, à l'intérieur aussi des tôles, et la suppression aussi des permissions de sortie et des UVF, donc des unités de vie familiale. Donc ça, ce serait si l'épidémie se déclarait dans une prison. C'est ce que disent les matons, en fait, les syndicats de matons, de la matonnerie, parce que l'administration pénitentiaire elle-même n'ose pas trop encore parler d'éventuelles mesures comme celle-ci. Il y a un article sur CNews qui indique que dans plusieurs tôles, des cellules individuelles sont vidées pour se préparer à isoler des prisonniers et des prisonnières. L'article oublie de préciser que pour faire ça, l'administration pénitentiaire, elle libère pas des détenus, hein, on s'en doute, mais elle augmente le nombre de prisonniers et prisonnières par cellule. On trouve aussi sur le site de Check News de Libération qu'un prisonnier des Baumettes à Marseille est déjà à l'isolement en fait depuis ce week-end, après un parloir avec ses parents italiens, qui ne sont pas malades. Le journal en ligne de l'Express mentionne, lui, que plusieurs personnes sont à l'isolement pour des soupçons de coronavirus dans les prisons françaises, mais cet article ne donne pas le nombre de personnes ni dans quelle tôle sont ces personnes. Dans les autres mesures, il y a le port de masques et de gants, mais seulement pour les matons. Quant au gel hydroalcoolique, en fait, c'est aussi juste pour les matons, parce que l'alcool est interdit aux prisonniers et aux prisonnières. Il y a d'ailleurs des détenus qui ont été sanctionnés par l'administration pénitentiaire la semaine dernière, car leurs proches leur avaient fait parvenir du gel hydroalcoolique lors d'un parloir. Il y a une personne aussi qui témoigne qu'elle allait visiter son fils en prison, qu'elle n'a pas eu le droit de lui laisser de masque et qu'elle-même a été interdite d'en porter un. Et je vais vous lire un extrait de son témoignage. Mon fils est incarcéré dans l'est de la France, dans une zone particulièrement touchée par le coronavirus. Afin de le prémunir contre cette épidémie, samedi, j'ai mis dans son sac de linge 5 masques FFP2. Ces masques m'ont été restitués au prétexte que cela était interdit en détention. Je comprends que les suites à capuche soient interdites. Ouais, moi non, mais bon. Mais je vois mal en quoi un simple masque qui couvre le nez et la bouche soit un risque pour la sécurité de l'établissement. Je tiens à préciser que je suis ambulancière, près de la frontière de l'Italie, fortement infectée, et que je viens voir mon fils. Et quand je viens voir mon fils, je réside chez des amis qui fréquentent l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, donc qui est un endroit où qui est un des foyers en fait de l'épidémie, comme ils disent. Je suis donc une personne à haut risque d'infection et je trouve regrettable que l'on m'ait empêché de porter un masque lors du parloir. Donc ça, c'est un témoignage qu'on peut retrouver sur le site de l'Observatoire international des prisons. L'administration pénitentiaire, elle assure par contre, toujours par le biais des médias, que le protocole dont on parlait tout à l'heure prévoit la mise à disposition de savon pour les prisonniers. Un détenu des Baumettes témoigne que là-bas, le savon est dans des kits hygiène qui sont payants. Et du coup, ça donne un peu l'impression que l'administration pénitentiaire se fout de la gueule du monde. Donc pour résumer, le plan de l'administration pénitentiaire pour les prisonniers et prisonnières, pour pas qu'ils attrapent le coronavirus, c'est des affiches. Ah oui, ça je l'ai pas précisé, mais dans le protocole, il y a de l'affichage. Donc c'est des affiches, du savon. Et si malgré les affiches et le savon, tu tombes encore malade, ben t'auras qu'à aller à l'isolement. L'isolement, bien sûr, qui est une mesure critiquée quand elle fait partie des mesures judiciaires et disciplinaires. Elle est taxée, enfin elle est qualifiée de torture blanche par l'Union européenne, cette mesure. Mais donc voilà, là si tu tombes malade, ben tu vas à l'isolement. On t'emmène pas en soins, on t'emmène pas à l'hôpital, tu vas à l'isolement. Ça montre le peu de considération que l'État montre aux personnes détenues. Et j'ai aussi essayé de trouver d'autres infos sur les mesures prises pour des personnes prisonnières qui ne seraient pas en prison, et notamment pour des personnes qui sont en centre de rétention, qui sont aussi des prisons, hein, mais qui ne sont pas gérées par l'administration pénitentiaire. Et là, j'ai rien trouvé du tout, mais rien du tout, quoi. Ce qui n'est pas forcément étonnant. Peut-être que les médias en parleront... Quand il commencera à y avoir des morts. Et pour terminer, je voulais parler de la situation dans les prisons en Italie, où des révoltes ont éclaté et ont été réprimées dans le sang. Donc des révoltes ont éclaté dans une trentaine de prisons suite à la suppression des parloirs dans le cadre de la gestion de l'épidémie de coronavirus donc en Italie. Plusieurs de ces établissements ont été partiellement détruits par le feu. À Foggia, des dizaines de détenus ont réussi à s'évader, mais la répression elle est sanglante et il y a déjà 8 morts, 6 à Modène, 1 à Alessandria et 1 à Vérone. Et ça, 8 morts, c'était les chiffres de lundi, de dimanche même. Les journalistes ils disent que la plupart de ces morts ont été soi-disant provoquées par des overdoses médicamenteuses. Vous entendrez dans un témoignage tout à l'heure que des personnes elles ont entendu des coups de feu dans une des tôles. Et justement, on va lire ce témoignage. Donc c'est un texte que j'ai trouvé sur le site anticarcéral l'envolée.net et c'est la traduction d'un témoignage recueilli par un site italien qui s'appelle Journal de bord de la tempête sociale et ça parle juste de ce qui s'est passé dans la prison de Modène le 8 mars. Désolée, je reprends le texte. Donc une révolte a éclaté à la prison Santa Anna de Modène le 8 mars 2020 en début d'après-midi. La chose n'est pas passée inaperçue à l'extérieur car 3 panaches de fumée se sont élevés des ailes de l'établissement, sans parler de l'important va-et-vient des surveillants et de la surveillance d'un hélicoptère en vol stationnaire au-dessus de la zone. Des parents, des personnes solidaires et d'autres spectateurs se sont donc rassemblés aux environs, d'où ils ont pu voir défiler des gommes, donc c'est l'équivalent des hérisses en France, donc le GIGN des matons, d'où ils ont pu voir défiler des gommes en tenue anti-émeute et entendre distinctement des coups de feu. Malgré quelques tentatives des pompiers de les tenir à distance, les gens ont fini par se masser devant la prison, d'où ils ont assisté au défilé de camionnettes et d'ambulances de la pénitentiaire. Au bout d'un moment, comme les parents demandaient des nouvelles des prisonniers, un gradé de la pénitentiaire et une représentante de la direction de la prison sont sortis, leur dire que dans le cadre des négociations avec les émeutiers barricadés dans une des ailes, on leur avait rendu leur téléphone portable pour leur permettre d'appeler leurs proches. Il était donc demandé aux familles de répondre aux appels des prisonniers pour les convaincre de sortir.

Et toi chérie, oui ce soir je te fais ta fête. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre en colonial, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre en colonial, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Être le meilleur dans la course à l'excellence, le mériter pour avoir la récompense. Mon logiciel est programmé depuis la petite enfance. Compétiteur formé pour blackpooler la concurrence. À l'école on va dresser pour être le premier, écraser les autres et mépriser le dernier. Y'a pas de place pour les losers, les fainéants, les assistés, les faibles et les incompétents. Le pays des lumières a une image à défendre, un prestige, un honneur à prétendre. Et c'est pas avec des voleurs de boules, des clodos, des romano et des bougnoules qu'on pourra rivaliser avec les grosses puissances, imposer au monde toute la grandeur de la France. Alors soyons pragmatiques, le temps c'est de l'argent. Et foutez-moi dehors toute cette bande de mendiants. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre en colonial, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre en colonial, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre en colonial, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal. La fièvre en colonial, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. C'est maintenant l'heure du billet qui s'intitule aujourd'hui Révolte Mao Mao. L'humanité est actuellement en pleine mutation pré-apocalyptique. C'est aujourd'hui un fait scientifiquement prouvé et unanimement reconnu. Si, si. Il n'y a qu'à voir la fin de l'hégémonie des grands partis, la décadence du néolibéralisme, le réchauffement climatique, l'émergence des grands virus, l'avènement du virtuel, la mort de Johnny Hallyday. Je crois que ça va, on peut le dire maintenant. Tout fout le camp. On se souviendra d'ailleurs, pas longtemps certes, que c'est au carrefour des années 2010 que l'espèce humaine a définitivement changé de direction sur le grand chemin qui devait le mener à toujours plus de croissance. Heureusement pour nous, pauvres bipèdes en cruel manque de repères, certains éléments de notre paysage commun ont pris le parti de se sacrifier pour la cause, afin qu'il nous reste un petit peu de normalité dans ce monde, qui se ressemble décidément de moins en moins. Louons donc l'un des derniers monstres sacrés de la politique d'antan, et malgré cela pourtant toujours au pouvoir. J'ai nommé Vladimir Poutine. Vlad, l'indestructible, sur lequel le temps n'a aucune prise. Alors que ses opposants, eux, bizarrement, ne restent pas très vivaces bien longtemps. Étonnant. Vlad, donc, qui vient de nous apprendre, aux surprises, qu'il briguerait un nouveau mandat après 2024, et alors même que la Constitution ne le permettait pas. Je le dis au passé parce qu'en une petite demi-heure, le Parlement russe a récemment réglé le problème en modifiant la Constitution afin de permettre la poursuite de la petite supercherie démocratique. Mais au moins, ça, on connaît, ça rassure, un peu comme un doudou. Mais évidemment, aujourd'hui, on veut tout changer. On ne parle plus que de modernité, de slashers et de disruption mercatique. Pourtant, tout n'a pas tout à fait changé dans ce bas monde. Entre aujourd'hui et il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années, certaines pratiques et idéologies ont survécu. Persiste notamment une certaine idée de l'égalité entre êtres humains, ainsi qu'une légère tendance à régler les problèmes à grands coups de massacre. Bon, je crois que vous l'aurez compris, la thématique foutraque du billet d'aujourd'hui ne sera pas encore des plus heureuses. Cette fois, je vous emmène en voyage dans les contrées éparses de l'Empire colonial britannique, direction l'Afrique orientale, et plus précisément sur ce qui deviendra plus tard les terres de l'actuel Kenya. Pendant longtemps soumis au sultan de Zanzibar, ces territoires vont dans le courant du XIXe siècle ouvrir les appétits de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. C'est finalement cette dernière qui remporte la mise et qui crée dès lors un protectorat qui sera effectif entre les années 1890 et 1920. Durant ce laps de temps, des milliers de colons britanniques viennent occuper ces terres très fertiles, expulsant alors les agriculteurs Kikuyu qui étaient installés. Bon, expulsion n'est pas un terme très exact, car en réalité, l'immense majorité des représentants de l'ethnie Kikuyu va être utilisée en tant que main-d'œuvre quasi gratuite dans le cadre de la culture de produits exotiques, tels que le café notamment. En 1920, le Kenya devient officiellement une colonie de l'Empire britannique. Bon, c'est plus une formalité qu'autre chose. Dans les faits, pour les populations autochtones, rien ne change réellement. Ou plutôt, tout empire. Dès 1915, et sur le modèle de l'Afrique du Sud, la couronne anglaise ordonne à tous les Africains de plus de 15 ans de porter en permanence autour de leur cou un certificat d'identité et de profession. Un petit outil tout de même bien pratique dans l'organisation du contrôle et de la répression de population. Puis, à partir de 1920, les peuples autochtones se voient dans l'obligation de régler un impôt à la couronne. L'astuce étant de forcer les Africains à travailler pour les colons. Seule manière pour eux de s'acquitter de cette taxe. Et puis, comme cet esclavage déguisé ne semble pas encore suffire aux colons anglais, ces derniers décident un an plus tard de baisser de plus d'un tiers les salaires déjà extrêmement bas de leurs employés. Ce qui a pour le coup un effet de déclencher un mouvement de grève d'une ampleur considérable. C'est d'ailleurs durant cette grève que se fonde la légende de Marie Mutoni Nyanjiru. Cette militante est alors connue comme une meneuse du mouvement féministe Kikuyu, se battant notamment contre les sévices physiques et sexuels imposés par les colons. Le 16 mars 1922, elle manifeste, comme des milliers d'autres Kikuyu, dans les rues de Nairobi. C'est alors qu'un des principaux leaders, Harry Tuku, considéré comme le père du nationalisme kényan, est arrêté. Elle décide directement d'aller le libérer, coûte que coûte. Devant l'inaction des hommes qui l'accompagnent, Nyanjiru décide de se dévêtir en public, ce qui dans la culture Kikuyu est considéré comme une symbolique forte, signifiant que l'autorité des hommes n'est plus reconnue. Accompagnée de nombreuses femmes, elle se lance à l'assaut du poste de police où les soldats de l'empire colonial ouvrent le feu. Marie Mutoni Nyanjiru est tuée, comme beaucoup d'autres. Avec un bilan de plusieurs centaines de morts et la déportation des principaux dirigeants nationalistes Kikuyu, l'Angleterre pense cependant avoir réglé le problème kényan, qui était juste naissant. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'il est impossible d'éteindre le brasier d'une contestation. À peine tente-t-on de l'étouffer, que jaillissent de nouvelles flammèches de ces braises que l'on croyait pourtant consumées. Alors, très vite, dès 1925, les travailleurs vont de nouveau se réunir sous la houlette d'organisations de défense, créées par des intellectuels kényans, eux-mêmes éduqués par les missionnaires protestants européens. C'est la naissance de la Kikuyu Central Association, qui fédère tous ces kényans auxquels l'administration coloniale n'accordait aucun droit. Ainsi, pendant plus de deux décennies, le mouvement Kikuyu va progressivement se structurer. Mais ces deux décennies sont aussi celles durant lesquelles 1 million de Kikuyu vont être de plus en plus spoliés de leurs terres, contraints de se trouver entassés sur un territoire de 5000 km², forçant ainsi la surexploitation des sols, engendrant de mauvaises récoltes et fatalement les famines. Pendant ce temps, les 30 000 colons anglais, eux, se partagent 42 000 km² de terre, dont une grande partie qu'ils n'utilisent même pas. Usés par une pauvreté extrême, écœurés par les exactions des colons, beaucoup de Kikuyu décident de passer à l'étape suivante, l'insurrection. Nous sommes alors au début des années 50, au moment où se crée le mouvement Mau Mau. Résolument révolutionnaire, ce groupe rebelle est responsable d'une grande campagne de sabotage à la fin de l'année 1952. L'administration coloniale décide alors de déclarer l'état d'urgence, entraînant la condamnation des principaux dirigeants, en grande partie sur la base de faux témoignages. Cela a pour conséquence directe de provoquer un embrasement du conflit, qui devient très vite militaire. Entre 1953 et 1954, les révoltés Mau Mau lancent de nombreux raids meurtriers sur les postes de police de l'administration anglaise, ainsi que sur les fermes des colons. Les quelques milliers de rebelles sont alors largement soutenus par une population qui aide à la logistique générale de l'organisation quotidienne de la guérilla. Mais dans le camp britannique, la réponse se prépare. Cette réponse va se baser principalement sur la mobilisation de 50 000 soldats d'Empire, l'application de méthodes contre-insurrectionnelles, ainsi que l'utilisation de matériel militaire sophistiqué, dont ne disposent pas les Mau Mau. À la fin de l'année 1955, la révolte est définitivement matée. Mais les déboires pour les Kikuyu sont loin d'être terminés. On sait aujourd'hui que la guerre entre Britanniques et Mau Mau a provoqué la mort de plusieurs dizaines de milliers de rebelles, pour 32 Anglais tués. Mais en comptant les victimes civiles de la répression, ce chiffre serait estimé à 100 000 Kikuyu assassinés, auxquels il faut ajouter 300 000 autres Kikuyu enfermés dans des camps de concentration, au sein desquels ils ont vécu l'horreur, où l'exécution sommaire était une chance, et la torture une norme. Humiliation, passage à tabac, simulacre de noyade, électrocution, amputation, agonie prolongée, viol, castration, un condensé de haine et d'inhumanité à la pureté rarement atteinte. Ministre de la Justice de la colonie du Kenya, Sir Eric Griffith-Jones écrivait d'ailleurs lui-même que ce qui se passait sous sa juridiction, je cite, « rappelait fâcheusement les agissements de l'Allemagne nazie ou de la Russie communiste », avant d'ajouter à l'adresse du gouverneur « si nous devons pécher, faisons-le, mais discrètement ». Malheureusement pour le prestige britannique, certaines victimes ont décidé de ne jamais se taire. Ce qui n'a pas posé de problème, au moins jusque dans le courant des années 2000, date à laquelle les témoignages des Mau Mau ont enfin commencé à se faire entendre. En réalité, il a fallu attendre jusqu'en 2012 et l'ouverture des archives coloniales britanniques pour que l'on considère comme réelles les accusations de torture et de meurtre perpétrées par l'Empire britannique, qui avait jusqu'ici toujours nié toute responsabilité. Il en ressort que tous les abus dénoncés ont bel et bien eu lieu, et qu'en outre, ils ont été orchestrés et étaient connus et couverts en haut lieu. Ainsi, en 2013, l'Angleterre a officiellement reconnu sa responsabilité, en demandant pardon aux Kikuyu. Les exactions britanniques auront perduré jusqu'en 1960, date à laquelle l'état d'urgence est supprimé. Il faudra encore attendre 3 années supplémentaires pour que le Kenya obtienne finalement son indépendance. On sait aujourd'hui que la torture et les meurtres de masse perpétrés par l'armée britannique étaient connus de Churchill lui-même, et qu'il poursuivait par là un but politique, conserver à tout prix le joyau colonial kényan, à une époque où l'Inde aspirait elle aussi fortement à son indépendance. Ce qui valait bien à ses yeux, presque fermés, un petit nettoyage ethnique. Comme le pratique encore aujourd'hui la Turquie en Syrie, en ce moment même, à l'encontre des populations kurdes, et sous les yeux tout aussi micro de la communauté internationale. Heureusement que certaines choses ne changent pas, sinon on commencerait presque à douter de notre humanité. Sous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre. À moi les étrangers, la vie est bonne à prendre. massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de bottes de l'histoire ne veillent pas vos souvenirs. Amis de sous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos habitués. Ah, je crie. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM. Alors nous allons maintenant écouter une interview d'Assa Traoré qui nous vient d'un site qui s'appelle cerveau-non-disponible.net. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours de la journée internationale de lutte contre les violences policières et donc d'une grande marche organisée à Paris, Assa Traoré revient sur l'importance de cette date et sur les luttes en cours. Donc la journée de lutte internationale de lutte contre les violences policières, elle existe depuis 2011. Elle a été mise en place par un collectif qui s'appelle Vivolé, qui est un collectif de familles victimes de crimes policiers. Donc ce collectif, avec d'autres familles de victimes de crimes policiers, organise donc depuis 2011 une marche nationale contre la répression et les violences policières. Cette marche a eu lieu à Paris donc en 2011 pour la première fois lors de la journée internationale contre la brutalité policière. Et depuis, chaque année en mars, a lieu donc à Paris une marche nationale donc contre les violences policières. Et cette année, donc, ce sera samedi 14 mars à 13h. 13h12, à Place de l'Opéra. Voilà, donc on va écouter le son d'Assa, l'interview d'Assa Traoré. Donc c'est un son qui a été extrait d'une vidéo, c'est pour ça qu'à certains moments il y a des pauses en fait, parce qu'il y a un visuel qui reporte à certains thèmes, enfin, certains, comme des questions en fait, où il s'agit, où il est indiqué, c'est une écriture, c'est un visuel écrit, donc où il parle de violence policière, de médiatisation, de comment garder espoir, de pouvoir et justice, et des quartiers populaires, en fait, qui sont souvent la cible de l'État. On vous laisse écouter le son. Il dure 6 minutes 26. On se retrouve ensuite. Donc le 14 mars, c'est une marche contre les violences policières, c'est une marche importante. Comme chaque année, il y a un appel des familles qui est fait, et là on le fait avec Vivolé, Rabata Dieng. Donc cet appel où toutes les familles vont signer, c'est un moment. Cette année est une année intense et très très forte en tout cas pour cette marche, où beaucoup de monde vont la rejoindre, parce que les violences policières, les violences des gendarmes. quelque chose qu'on vit continuellement ces derniers mois, ces dernières années, et qui a une présence très forte sur le territoire français. Donc, et ces violences policières aujourd'hui se sont élargies à la population, ne touchent malheureusement plus que les quartiers populaires. Donc aujourd'hui, c'est une marche qu'on va faire tous ensemble face à cet état oppresseur et répressif que nous avons tous en face. Ça fait 4 ans qu'on se bat. Mon frère s'est fait tuer le 19 juillet 2016 par 3 gendarmes dans la cour de gendarmerie à Persan. Et on se bat. Et on se bat pour que la violence policière, que les cas des violences policières deviennent une priorité pour cet État-là. Et je pense que c'est un travail énorme qu'on a fait avec le comité. Et oui, quand malheureusement d'autres cas arrivent, comme Steve ou Cédric Chauviat, ça interpelle plus. On voit en tout cas clairement la différence de traitement, on voit clairement la différence de médiatisation, mais on se dit, voilà, ce qui leur arrive à eux arrive à nous depuis longtemps, depuis des années. Cette semaine a commencé hier le procès de Madame Kébé, qui a perdu un œil avec un flashball. C'était en 2013, un long combat qu'elle a mené face aux policiers, face à cet État, face à cette justice. Elle a perdu l'année dernière. Aujourd'hui, c'est l'appel. Malheureusement, elle n'est plus là parce qu'elle est décédée. Mais il faut savoir que quand elle perd son œil en 2013, ça n'a pas alerté toute la population, une très grosse partie de la population. Et aujourd'hui, oui, maintenant que ça touche plus largement, ils se sentent concernés aussi par le cas de Madame Kébé ou par d'autres. Bien sûr qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut jamais lâcher. Il n'y a pas d'État sans citoyens, c'est nous qui faisons cet État-là. Et aujourd'hui, nous sommes devant un État répressif, antidémocratique et qui n'écoute pas son peuple. Des combats ont lieu bien avant, donc on n'a pas le droit de nous de lâcher. Si les autres avaient lâché avant nous, aujourd'hui on n'en serait pas là. Donc bien évidemment, il faut aller. Comme je le dis depuis le début, nous sommes tous devenus des soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords, où tous les coups sont permis. Et cette machine de guerre, c'est la justice, c'est l'État, c'est les violences policières. Et nous sommes le peuple. Et cette machine de guerre, on doit la renverser. Par contre, on va la renverser si on est tous ensemble, main dans la main, on aura cette force. J'ai envie de dire que ce que la famille Traoré subit aujourd'hui, c'est de l'antidémocratie. On subit de l'antidémocratie dans ce pays qui se dit liberté, égalité, fraternité et qui clame sa démocratie dans le monde entier. Quand on voit ce qui arrive à la famille Traoré, Adama Traoré qui se fait tuer le 19 juillet par 3 gendarmes, où on va lui inventer plus de 5 maladies, cause cardiaque, infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, la drogue, drépanocytose, la chaleur. Dans le même combat, on va mettre les 4 frères d'Adama Traoré en prison. On va mettre 4 plaintes sur la sœur d'Adama Traoré, dont une mise en examen, des expertises qui sont refusées, des gendarmes qui ne sont pas mis en examen. Si ce n'est pas de l'antidémocratie, il n'y a pas d'autre mot. Donc j'ai envie de dire que on garde. Vous ne faites pas baisser les bras. Jamais. Si aujourd'hui, moi, je suis là en tant que femme noire, en tant que femme noire, à m'exprimer et dire ce que j'ai envie de dire, c'est que des personnes se sont battues avant moi pour que je puisse avoir cette voix-là, pour que je puisse avoir cette force-là. Si aujourd'hui on n'est plus dans un état clairement comme c'était à l'époque de l'esclavagiste ou du colonialisme, des personnes se sont battues pour qu'on puisse en tout cas en arriver là et on est la continuité de ces combats-là. Donc oui, on ne doit pas lâcher. On est cette chaîne qui doit faire tomber cette machine de guerre. Qu'on subit dans les quartiers populaires, on subit une très grosse misère, hein. Une misère morale, une misère physique, la misère du logement, la misère de l'emploi, tout ça, les infrastructures, la scolarisation, on l'a subi depuis des années, on l'a subi pas que depuis aujourd'hui. Ça veut dire que quand le mouvement des Gilets jaunes arrive, c'est un mouvement qui ne peut pas se faire sans nous, qui mieux que nous pouvons parler de cet état de misère sans parler des violences policières. Et quand le comité Adama fait appel au deuxième acte, on leur dit surtout reproduisez pas ce que l'État a fait quand il oublie l'histoire de l'esclavagisme, quand il oublie le colonialisme, quand il oublie l'historique. Bah, n'oubliez pas l'historique des violences policières, elle commence chez nous, elle commence dans les quartiers populaires. Nos frères se font tuer depuis des années et surtout qu'il y a eu des combats politiques, des personnes se sont politisées et ont mené des combats dans les quartiers. Donc elle ne commence pas en 2018 avec vous. Donc surtout ne reproduisez pas cette erreur-là et on veille en tout cas à ce qu'elle soit présente. Et oui, on l'a subi depuis toujours, et ça, on la dénonce. Tous les combats qui vont arriver, hein, toutes les alliances qu'on fait, le climat ou autre, on leur dit oui, il n'y a pas de problème. Mais sur cette planète ou partout, il y a aussi des êtres humains qui se font tuer par d'autres êtres humains. Donc il faut aussi la dénoncer, et on va la dénoncer ensemble, parce qu'en face, nous avons tous le même ennemi, qui est cet État répressif et oppresseur. Et cette violence policière qui reste impunie depuis des années et qui l'a fait subir, en tout cas, de plus en plus de monde qui va dénoncer quelque chose qui ne convient pas, en tout cas, à l'État. Oui, donc vous venez d'écouter une interview d'Assa Traoré, donc, qui revient sur l'importance de participer à la marche des familles contre les violences policières. Juste, je voulais rappeler pour les personnes qui ne savent pas, enfin nous on en parle, c'est vrai qu'on a souvent parlé d'Assa Traoré ici parce que c'est la sœur d'Adama Traoré, donc Adama dont nous avons parlé au début de l'émission, donc avec le son projet Adama, donc c'est Assa et toute sa famille et tout un collectif en relation avec d'autres collectifs se battent pour faire reconnaître les violences policières. Donc Adama donc est décédé en juillet 2016, il me semble, c'était le jour de son anniversaire, suite à une intervention policière. Il est décédé dans un commissariat ou une gendarmerie du côté de Pontoise. Voilà, donc vous pouvez retrouver des informations sur vivolé.org. Et l'interview d'Assa Traoré, donc la vidéo, est issue d'un site qui s'appelle Cerveau non disponible, donc au pluriel, tout attaché. .net. Et je rappelle donc la marche des familles contre les violences policières, c'est samedi 14 mars à 13h12, place de l'Opéra à Paris. La vie, si je t'en parlais, de bonne matinée à le portail. Mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaque on estem tots lligats, si no podem desfer-nos mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tombe, tombe, tombe, ben corcada deus ja. Si jo l'estiro fort per aquí les tires fort per allà, segur que tombe, tombe, tombe i ens podrem alliberar. Lo siset fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més àmplia i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et pesa tant que a cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tombe, tombe, tombe, ben corcada deus ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort tombe, i ens podrem alliberar. La Viciset ja no diu res, mal vent que se l'emportà. Ei, qui sap a quin indret i jo a sota el portal. I mentre es passen els nous bailets estiro el coll per cantar. En darrer cant d'en Siset, el darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tombe, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tombe i ens podrem alliberar. Eh bien, vous êtes de retour dans le magazine Libertaire sur JTFM 91.2 et ça va être le moment des annonces. Donc pour commencer, moi je vais vous lire un appel pour les 9 ans de Fukushima. Donc c'est un appel à rassemblement du comité antinucléaire du pays de Rennes. Le 11 mars 2011, un violent séisme provoque un tsunami qui frappe les côtes japonaises, coupe l'alimentation électrique et endommage les réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima Daiichi. Des zones entières d'habitation ainsi que les écosystèmes forestiers et marins alentour sont contaminés par la radioactivité et évacués par les habitants. Cette catastrophe, plusieurs décennies après l'accident de Tchernobyl, démontre que l'industrie nucléaire fera toujours courir des risques inconsidérés aux populations. Donc le comité antinucléaire du pays de Rennes donne rendez-vous le 11 mars, donc c'est aujourd'hui à 16h, place de la mairie à Rennes, pour alerter ensemble sur les dangers du nucléaire. Et voilà, c'est place de la mairie. Donc du côté de Saint-Nazaire, samedi 14 mars à partir de 15h30, au local autogéré Fernand Peloutier, donc l'association Les Amis de May, dont nous avons déjà parlé ici, c'est au 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire, il y a une rencontre-discussion qui s'intitule « Le maquis limousin et la libération de Limoges, 1941-1944 » par Christian Pateau. Donc Christian viendra parler de son vécu dans le maquis du Limousin et de son parcours depuis. Donc je le cite. « Je suis né il y a bien longtemps à Saint-Léonard de Noblat, petit bourg du Haut-Limousin, qu'on appelle le plateau des 2000 vaches. À 17 ans, j'ai rejoint un groupe de maquisards, FTP, francs-tireurs et partisans, avec lequel mon père était déjà en relation. À l'époque, j'ai vécu cela avec l'enthousiasme d'un jeune à peine sorti de l'enfance, comme une aventure pleine d'imprévus. C'est des années après que j'ai analysé le contexte historique et politique de ce qu'on appelle la résistance. Le hasard et la chance ont fait que, quand je suis montée à Paris, tout de suite après la guerre, j'ai rencontré les animateurs de la revue La Révolution prolétarienne. Ils m'ont évidemment aidé à comprendre les événements que j'avais vécus et en même temps, ils m'ont initiée aux idées libertaires qui ne m'ont pas quittée à ce jour. Donc aujourd'hui, Christian a 93 ans, il est toujours en forme. Et il est l'un des animateurs de la bibliothèque alternative de Malakoff dans les Hauts-de-Seine, où il participe à de nombreux débats. Après avoir fait revivre son expérience de résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il parle du Front populaire et de ses souvenirs d'enfant de 10 ans. Puis il relate en 5 conférences l'histoire du mouvement ouvrier en France de 1830 à nos jours. Le 30 août 2017, il passe sur France Culture dans l'émission Bibliothèque radiophonique française. Il suit de près toutes les activités des centres de documentation et d'études libertaires. Donc si vous voulez rencontrer Christian, c'est samedi 14 mars à partir de 15h30 au local autogéré Fernand Peloutier à Saint-Nazaire. Eh bien, toujours samedi et toujours à Saint-Nazaire. Donc le 14 mars prochain, journée internationale de lutte contre les violences policières, la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et alentour les Amis de Mai vous invitent pour un nouveau concert. Alors c'est à la fois No Cops Party et concert de soutien pour la Maison du Peuple qui repasse au tribunal le 25 mars. Au programme, un nouveau triptyque de groupe Tendresse Sauvage, c'est du folk punk, Joey Gluten et Gorgonzo Blaze, du rap, et Pizza, hip-hop et punk folk. L'entrée est libre, le repas à prix libre et un bar sera ouvert. On précise qu'on conserve ce soutien et c'est entre autres pour soutenir financièrement un lieu qui en a grand besoin. Alors s'il vous plaît, prenez vos consos au bar de la Maison du Peuple plutôt qu'à la supérette du coin. Merci, faisons vivre ce lieu comme il se doit. Tant qu'il sera à nous, rejoignez-nous. Et donc ça se passe samedi 14 mars prochain à 20h. C'est 37 avenue Albert Demain à Saint-Nazaire. Alors, toujours du côté de Saint-Nazaire et toujours chez les Amis de Mai, donc au 25 boulevard de la Renaissance, dimanche 15 mars à partir de 15h, il y a un théâtre qui s'intitule Grève par la compagnie des Hobos. Donc 6 ouvriers, ouvrières, une usine, on doit supprimer un poste pour que l'entreprise continue à exister. 6 ouvriers, ouvrières, une usine, on doit se séparer de l'un d'entre nous pour continuer à survivre. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut déjà s'entraider. Voilà ce qu'on peut y faire. 6 ouvriers, ouvrières, une usine, l'amitié, les déchirements, l'individualisme, les engueulades, l'incompréhension, la solidarité. 6 ouvriers, ouvrières, une usine. Grève, une aventure d'hommes et de femmes, de chair et de sang. Donc si vous voulez voir cette pièce, ce théâtre, donc, c'est dimanche à 15h, à partir de 15h, donc, à Saint-Nazaire, chez les Amis de Mai. Et je peux donner le site, c'est LAD, le blog des Amis de Mai, c'est ladm.noblogs.org. Eh bien, je vais terminer par Casse-Muraille. Casse-Muraille, c'est une émission de radio diffusée tous les dimanches de 12h à 13h sur JetFM 91.2 et sur internet jetfm.fr. Casse-Muraille s'adresse aux détenus et leurs proches pour qu'ils et elles puissent transmettre des messages sans que l'administration pénitentiaire ne s'en mêle. C'est aussi une émission contre les prisons pour rompre l'isolement, contourner la censure et témoigner de ce qu'il se passe entre les murs. Avec Casse-Muraille, tu peux laisser un message ou une dédicace en direct ou quand tu veux, par téléphone, par email, Facebook ou courrier, ce sera diffusé pendant l'émission. Pour laisser des messages et nous contacter, il y a le téléphone, donc messagerie vocale, SMS ou en direct, 07 82 98 43 59. Par email, c'est casse-muraille, muraille au pluriel, @riseup.net et le Facebook, la page Casse-Muraille. Et pour le courrier, Casse-Muraille Jet FM, Le Grand B, 11 rue de Dijon, 44 800 Saint-Herblain. Savez-vous que 43 millions de cartes d'électeurs, c'est l'équivalent d'une forêt de 100 hectares qui disparaît en un jour? Si on ajoute à cela tous les bulletins de vote, les tracts, les affiches, les professions de foi, c'est l'équivalent de la surface de la Belgique qui part en fumée avec les élections. L'abstention, un geste éco-citoyen. S'abstenir, c'est sauver la planète. Alors, on a un petit souci technique, mais vous inquiétez pas, on va vous remettre la petite musique qui a commencé et qui avait l'air très bien, mais on va essayer de la retrouver au plus vite. Ah, peut-être pas, peut-être que vous l'aurez pas alors finalement. On arrive à la fin de l'émission. Ouais. Alors peut-être qu'on va vous dire au revoir semaine. Dès maintenant. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine. Vraiment, la musique a vraiment disparu. Donc on essaiera de la retrouver pour la semaine prochaine. On se retrouve mercredi prochain, midi 5, sur JetFM. Ciao.